cassine, marinier. Le ciel est tout noir de gibier là-bas sur Giro. Oh, ne m'en parle pas, je suis furieux. Ils m'ont fait manquer mon affût. Oh, Balthazar, tu es convoqué toi aussi? Convoqué? Ben ouais, il paraît qu'il y a un grand conseil de famille ce matin. Moi, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Encore quelques histoires. Chut, attention, les voilà. Venez, je vous suis. Asseyez-vous, père. Qu'est-ce qu'il y a donc? Assieds-toi, Marc. Oh, oh, il paraît que c'est sérieux. Oui, très sérieux. Tiens, tu es là, toi, Balthazar? Est-ce que je suis de trop, maîtresse? Oh, ma foi, non, tu peux rester. Ce que j'ai à leur dire, tu le sais aussi bien que nous. C'est une chose terrible à laquelle nous pensons tous et dont personne n'ose parler. Seulement aujourd'hui, le temps presse et il faut nous expliquer une bonne fois. Mais je parie que c'est encore de ton garçon dont il s'agit. Oui, Marc, oui, tu as deviné. Il s'agit de mon enfant qui est en train de mourir. Quoi? Alors ça, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je dis que l'enfant est en train de mourir, père. Quoi? Je vais vous demander si tout bonnement on va le regarder passer comme ça, sans rien faire. Enfin, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il a, il ne peut pas renoncer à son Arlésienne. Cet amour le tue. Oh, mais tout ça ne dit pas de quoi il meurt. Enfin, on meurt d'une pleurésie, d'un palan qui vous tombe sur la tête, là, emporté par un coup de mer. Mais que diable, un garçon de 20 ans, là, solidement amarré sur ses ancres, ne va pas se laisser glisser pour une contrariété d'amour. Ah, tu crois, Marc? Bon, voyons, alors, il faut venir en Camargue, Sorette, pour avoir ces superstitions, là. Écoute, ma belle, c'est la romance à la mode cet hiver à l'Alcazar arlésien. Écoute ça. Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour. Heureusement, heureusement qu'on ne meurt pas d'amour. Ta chanson est une menteuse, Marc. Il y a de beaux 20 ans qu'il meurt d'amour. Même comme il trouve la mort trop lente, il se débarrasse de l'existence pour en avoir plutôt fini. Quoi? Mais est-ce possible, Rose, tu crois que l'enfant... Il a la mort dans les yeux, allons, je vous dis, mais regardez-le, vous verrez bien. Quoi? Ah, voilà 8 jours, je le surveille. Je me lève la nuit pour écouter. Vous croyez que c'est vif, ça, pour une mère? J'ai peur de tout maintenant pour lui. Les fusils, le puits, le grenier. Ah, d'abord, je vous préviens, je vais la faire murer, moi, la fête du grenier. On voit les lumières d'Arles, là-haut, l'enfant monte tous les soirs pour les regarder, ça m'effraie. Mais enfin, voyons, nous ne pouvons pourtant pas le marier à cette... Pourquoi pas? Oh, y pensez-vous, ma fille? Je ne suis qu'un paysan en rose, mais je tiens à l'honneur de mon nom et de ma maison, comme si j'étais seigneur de Cadrousse et de Barbantane. C'est arlésienne chez moi? Jamais! Il a raison, jamais. Je vous admire tous les deux à me parler de votre honneur. Eh bien, et moi, qu'est-ce que je dirais? Voilà 20 ans que je suis votre fille, maître Francette. Est-ce qu'on n'a jamais raconté quelque chose sur mon compte? Y a-t-il quelque part une femme plus honnête, plus fidèle à son devoir? Oui, ah, il faut bien que je le dise, aucun de vous n'y pense. Oui. Et si moi, je consens à introduire cette drôlesse dans ma maison, à lui donner mon enfant, cette partie de moi-même, à dire ma fille, à ça, ça me sera certainement beaucoup moins dur qu'à vous autres. Oui, mais enfin, et pourtant, je suis prête à le faire. C'est le seul moyen de le sauver. Oh, soyez pitié de moi, oh, ma père, fille, alors. Père, je vous en conjure. Oui. Je vous en conjure, père, pensez à votre Frédéric. Oui. Vous avez déjà perdu votre fils. Celui-là, c'est votre petit-fils. C'est votre enfant 2 fois. Est-ce que vous voudriez le perdre encore? Mais j'en mourrai, moi, de ce mariage! Nous en mourrons tous, qu'est-ce que ça fait pourvu que l'enfant vive? Qui m'aurait dit ça, mon Dieu, que je verrais une chose pareille? Ah, j'en connais un qui ne la verra pas, par exemple. Comment, ici, dans Castelet? Une cato qui a roulé avec tous les maquignons de la Camargue. Eh bien, ce sera du propre. Tenez, voilà ma cape et mon bâton, maître Français. Faites mon compte que je m'en aille. Balthazar, c'est pour l'enfant. Laissez-le donc partir. Il a pris trop de place dans la maison, ce serviteur-là. Ah, ce qui manque depuis longtemps à cette maison, c'est un homme pour la conduire. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, mais... Il manque le maître. Berger, regarde-moi. Réponds-moi franchement. Crois-tu vraiment que l'enfant serait capable de se tuer si on ne lui accordait pas cette fille? Je le crois. Et tu aimerais mieux le voir mourir? À son froid! Mais va-t'en, misérable, va-t'en! Laissez, Rose. Balthazar est d'un temps plus dur que le vôtre où l'on mettait l'honneur par-dessus tout. Moi aussi, je date de ce temps-là. Mais je n'en suis plus digne. Je vais faire ton compte. Tu peux t'en aller, berger. Non, pas encore. Voilà l'enfant qui descend. Et je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre pour lui annoncer ça. Frédéric. Ton grand-père veut te parler. Tiens, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe, donc? Qu'est-ce que vous avez tous? Et toi, malheureux enfant, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si pâle, si brûlant? Tenez, grand-père, regardez-le, c'est l'ombre de lui-même. C'est vrai qu'il est bien changé. Bon, je suis un peu malade. Mais ce n'est rien, ça passera. Vous vouliez me parler, grand-père? Oui, mon enfant. Voilà, Oh, dis-lui, toi, Rose, moi, jamais je ne pourrais. Mon petit, assieds-toi. Écoute, nous savons tous que tu as une grande peine dont tu ne veux pas nous parler. Tu souffres. Tu es malheureux. C'est cette femme, n'est-ce pas? Ah, prenez garde, ma mère. On avait dit qu'on ne prononcerait jamais ce nom-là ici. Mais il le faut bien, puisque tu en meurs, puisque tu en veux mourir. Oh, mais non, mais... Oh, ne mens pas. Je le sais. Eh bien, mon fils, ne meurs pas. Quelle qu'elle soit ton arlésienne maudite, prends-la. Nous te la donnons. Est-ce possible? Ma mère! Mais vous n'y songez pas! Vous savez ce que c'est que cette femme, oui? Puisque tu l'aimes. Ainsi, vraiment, ma mère, vous consentiriez? Et vous, grand-père, qu'est-ce que vous en dites? Vous baissez la tête. Oh, le pauvre vieux, comme ça doit lui coûter. Faut-il que vous m'aimiez tous tout de même pour me faire un sacrifice pareil? Eh bien, non! Non, non, non, mille fois non! Je ne l'accepterai pas! La femme à qui je donnerai votre nom en sera digne, je vous jure. Oh, pardon, je vous ai rendu. Non, reste! Reste, Vivette. Qu'en dites-vous, grand-père? Je crois que celle-là, vous n'aurez pas de honte à l'appeler votre fille. Moi? Tu sais ce que tu m'as dit? Le mal qu'une femme t'a fait, il n'y a qu'une femme qui puisse le guérir. Veux-tu être cette femme, Vivette? Veux-tu que je te donne mon cœur? Oh, il est bien malade. Mais je crois que si tu t'en mêles, tu viendras à bout de lui. Veux-tu essayer? Dis! Répondez-lui pour moi, ma reine! Oh, ma fille!